for the Lord. Oh, my Lord, I'm playing. All the works are gonna flee from me, and I will drink no more. And the horses do the thinking, baby. Yeah. And the stains coming from my blood. Can we go back home? L'humour est déplaisant. Au fait, le nom du commando que vous tenez sous la houlette de Phoenix? Les Tigres Noirs. Ah, qui a eu l'idée absurde de les appeler les Tigres Noirs? Certains d'entre nous, il y a quelques années. Quelle voiture! Pas vraiment l'idéal pour aller d'un feu rouge à l'autre, vous ne trouvez pas? Sauf s'ils sont à 200 km l'un de l'autre. Bien audacieux pour un intellectuel. J'ai été pilote d'essai. Comme un idiot, j'ai pris la voiture au lieu du salaire. Oh oui, mais à notre égard, ayez la même compréhension. Mon ami est d'humeur très changeante. Or là, je sens qu'il est prêt à exploser. Dans très peu de temps, je vais lui demander de vous faire avaler vos dents, si vous refusez de nous dire où est cet appartement. Dans ces conditions, suivez-moi. Et voilà, Chuck Norris qui mène l'enquête pour vous ici à 70%. C'était des extraits du Commando des Tigres Noirs. Et puis, ben, c'est ça, c'est des ninjas dans le fond. Tommy, tu t'es surpassé encore une fois avec tes extraits. Ah, dis-moi, ben, toujours plus bas. Ouais. Dis-moi, le Commando des Tigres Noirs, c'est-tu un des volets, un des tombes de Delta Force? Non. Non, ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir avec rien. En fait, c'est Chuck Norris qui s'en va à Hong Kong et qui... assouvit une vengeance personnelle parce que son beau-père semi-adoptif s'est fait tuer et donc il s'entraîne et... Et va combattre et le méchant. C'est ça, et finalement le lance sur un pic depuis un top de bâtisse. Oh, ouais. C'est du jamais, jamais, jamais vu. En effet. Hey, on est à 70% puis il manque quelque chose. Hein. On n'a pas encore écouté la douce voix de Simon qui chantait notre indicatif. Celle-là. Et voilà! Big, qu'est-ce que t'as pour nous autres aujourd'hui, Simon? Hein? Pour qu'elle soit là? C'est plein de bon sens. Qu'est-ce que t'as pour nous autres aujourd'hui, Simon Pierre? Rien du tout. Ben en oui. fait, j'ai rien préparé. On s'est fait prendre au dépourvu. Mm. On était supposé avoir Gérald Larose, l'ex-président de la CSN, qui est maintenant employé à l'UQAM, salarié de l'UQAM. Malheureusement, il y a eu un congrès, des Européens sont venus, et puis, bon, tu sais, quand ils vont manger, les Européens, ça dure toujours plus tard que ce qui était prévu. Fait qu'il est probablement quelque part en train de faire autre chose que penser qu'il doit être à la radio en ce moment. Ben voilà, c'est quoi il nous a dit la semaine prochaine? Là, oui, tout des, à fait. Des Européens. Mais en fait, c'est que oui, il a présenté ses excuses. Je les ai acceptées. C'est bon. Oui, et puis la semaine prochaine, on va se voir. Gérald Larose, on a bien hâte. Bon, voilà, on va pouvoir poser des vraies questions parce que ça brasse au PQ. Là, les séries commencent tantôt. On a American Ninja 2 aussi aujourd'hui. Pour le visionnement tantôt. C'est même l'été, hein, c'est rendu qu'il fait chaud. Oui, puis vu qu'on aime parler des hauts salariés, des entreprises et tout ça, et que monsieur est syndicaliste, alors ça va faire des discussions bien animées. Voilà, mais pour aujourd'hui, on va essayer de vous trouver des choses intéressantes en attendant. On va commencer avec Grace 2 de Tragically Hip, puis après ça, on revient à 70%. Merci, Tommy. J'aime ça quand tu mets ça. Des tonnes qui ont de l'allure. Des bonnes tonnes. Bon, ça, okay, ouais. On revient après. That's what I'm here. La gosse, c'est moi que tu veux. Tu veux moi que tu veux. Oui, on est de retour à 70% et puis j'avais dit que j'avais rien du tout, du tout, du tout, du tout, mais c'est pas vrai, j'ai réussi cette semaine à récupérer quelques fichiers des vieilles affaires du vieux 70%. Ouh. Qu'on va avoir des nouvelles dont on s'était jamais parlé avant parce qu'on n'avait pas eu le temps, parce qu'on avait trop de choses trop intéressantes à parler de. Oh. Fait que éventuellement dans l'émission, on va faire un petit tri vite. On va vous revenir avec ça. Puis Tommy aussi, je crois que t'as de l'excellent stock pour nous, n'est-ce pas? Ah ben là, c'est sûr. J'ai amené une toune très douteuse. Et puis j'ai décidé de commencer une espèce de semi-tradition. On va voir comment ça va durer. Mais aujourd'hui, toutes les tounes en background, ça va être des tounes reprises par l'Orchestre Philharmonique de Tokyo. Des tounes de Final Fantasy 3. Et puis ben, la semaine prochaine, ça va être un autre jeu. Et ainsi de suite, on verra bien. Hein? L'orchestre philharmonique. Non, philharmonique. Wow. Okay. Peut-être qu'ils sont bien smart avec le collègue. Qui est donc l'orchestre philharmonique de Tokyo. De Tokyo qui reprend des tunes de Final Fantasy 3. Ça marche, les jeux vidéo au Japon, hein? Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Ils sont pas pognés à faire des covers de Metallica comme l'orchestre de San Francisco. Et voilà. Bon, en tout cas, ça fait de la variété. Et voilà ce moment de malaise. Mais ah ouais, raconte quelque chose là, t'as des vieilles nouvelles ou... Je regarde mon ordinateur puis dessus je cherche des nouvelles encore. Je suis pas encore rendu là. Okay. Je suis désolé. Ben moi je parlais de jeux vidéo, fait que je vais continuer à parler de jeux vidéo un petit peu. Oui. Ici j'ai fourragé internet et j'ai trouvé un site qui s'appelle IslandNet. Et puis sur le site qui s'appelle IslandNet, il y a un gentil monsieur qui s'appelle, en fait son nom c'est Ken Paulson, et puis qui a écrit une chronologie des video game systems. Assez intéressant, en fait, c'est assez bien détaillé. Et puis là, ici, on est en 1951, le premier, en fait, la première console de jeux vidéo. C'est un monsieur qui s'appelait Ferranti. Non, en fait, c'est une compagnie qui s'appelle Ferranti qui a présenté le Nimrod, qui était une petite console qui servait à jouer au Nim en 1951, déjà le premier jeu vidéo. Et puis, ben sinon, la même année, Ralph Baer, qui travaillait à faire des sets de télévision, des décors de télévision. En 51? En 51, oui, a proposé de faire une espèce de jeu qui se jouerait sur la télévision, que les gens pourraient acheter. Mm-hmm. Plugué dans la télévision. Et puis, ben, en 1951, les gens ont refusé l'idée parce qu'ils trouvaient que ça servirait à rien. Oui, excuse-moi, une petite parenthèse comme ça. Ben, ça me surprend, c'est des bonnes nouvelles, mais moi, j'ai fait de l'informatique. J'ai fait un bac là-dedans. Ben oui. Et puis, j'ai suivi le cours d'histoire d'informatique, savoir d'où c'est que ça vient, tout ça. Mm-hmm. Et on apprend là-dedans que le premier jeu vidéo, ça sera en 61 plus tôt. Et c'est un certain Burrell ou Burton, enfin, celui qui a fondé Atari plus tard. Mm-hmm. Ce gars-là, pour le plaisir, il s'était fait un jeu, c'était le jeu de ping-pong. Moi ici, je vois qu'en 61, à l'université Harvard, Litauer Statistical Laboratory, a group of students and assistants begin writing a space war game on newly installed PDP-1 computer. Ah oui, c'est peut-être le Star machin. Ouais, Space War, puis là ça continue. Mais en fait, ici, je vois qu'en 1958, il y a un physicien qui s'appelle Willy Ebington. Mm-hmm. Attends un peu, toi. Higginbotham, qui a créé le Tennis for Two. En fait, le Pong sur un oscilloscope qui était, je sais pas trop quoi. OK, je propose, on va analyser la situation, vérifier les sources, ouais. Voir qui a raison et le perdant sera décapité. Le perdant sera décapité. Ou on, tout le temps on lui coupe la main droite. Ah, ben c'est bon, ça. Hey, là, il y a un monsieur qui s'appelait Jean-Louis Témis qui est venu il y a deux semaines nous parler des vraies affaires. Ça avait l'air d'être un homme heureux malgré les dures épreuves que la vie venait de lui faire subir. Et puis, ben, on a écouté seulement qu'une seule de ses chansons. Mm-hmm. Et puis, ben, maintenant, il faudrait peut-être qu'on en écoute un autre. Hein? C'est quoi, c'était les larves, les fourmis et les grillons qui étaient... C'est parce que lui, il était cuisinier à l'insectarium. Oui. Enfin, pour le festival ou l'événement Croque-Insecte. Mais il y en avait-tu une en particulier qu'il fallait mettre? C'était Quand c'est noir, c'est cuit. Quand c'est noir, c'est cuit. C'est celle-là qu'il aime. Bon, ben, on va faire celle-là en l'honneur de M. Jean-Louis Témis, méga sympathique, qui est passé à notre émission il y a deux semaines. T'as pas mal fini, toi, là? Oui, puis je suis allé chercher plein de nouvelles vraiment connes. Bon, ben, on va écouter ça en revenant à 70%. Pour l'instant, vous allez écouter Jean-Louis Témis. Et puis, quand c'est noir, c'est cuit. C'est drôle, quand même. Faut aimer cuisiner, c'est comme ça dans la plupart des métiers. Si tu ne mets pas d'amour dans ce que tu fais, tes sauces, tes tartes finiront par brûler. Et tu te dis que quand c'est noir, c'est cuit. Et quand c'est cuit, c'est pas toujours noir. C'est la première leçon que tout cuisinier doit savoir. Si en plus tu es mal équipé, mal informé et mal organisé, conditionne-toi à te couper les doigts, aïe aïe aïe, car ça fait aussi partie du métier. Hey! Quand c'est noir, c'est cuit. Quand c'est cuit, c'est pas toujours noir. C'est la première leçon que tout cuisinier doit savoir. Inviter des amis à déguster et mets-toi un grand chapeau sur la tête. On te prendra pour un grand cuisinier. Tu leur diras que quand c'est première leçon. Oh oh, que tout cuisinier doit savoir. Fruits et légumes sont à considérer, car ça aussi, ça peut se faire griller. La personne qui connaît son barbecue peut s'en servir pour griller presque tout. Mais n'oublie pas que quand c'est noir, c'est cuit. Et quand c'est cuit, c'est pas toujours noir. C'est la première leçon. Wow, oh, que tout cuisinier doit savoir. Bon, le barbecue. C'est 70%. C'est impossible d'avoir 110%. 70%. C'est beaucoup mieux que 63%. 70%. Les invités ont jamais de bon sens. 70%. Avec Tommy, c'est toujours à 100%. Ouais. Ces hommes étaient des ninjas. Que peux-tu me dire d'autre, mon vieux Billy? Les chimpanzés mâles préfèrent nettement s'accoupler avec les vieilles femelles. On signalait des chercheurs américains qui ont longuement observé ces grands singes en Afrique, n'est-ce pas? C'est paru dans un article publié en novembre dans la revue Current Biology, qui est une référence en la matière. C'est l'anthropologue américain Martin Mueller de l'Université de Boston, ainsi que ses collègues qui ont basé leurs conclusions sur l'analyse de plusieurs années d'observation de chimpanzés dans la forêt en Ouganda, la forêt de Kibale. Alors, contrairement à ce qu'ils avaient imaginé en s'inspirant du comportement de l'espèce humaine, au sein de laquelle les jeunes femelles bénéficient d'une force séductrice bien supérieure à celle de leur sœur aînée, chez les chimpanzés, ils ont vu exactement l'inverse et les raisons demeurent un mystère. Ben moi, je le sais, c'est pourquoi. C'est parce qu'il n'y a pas de revue pour les chimpanzés. Il n'y a pas de quoi? De magazine, de mode. Pour les chimpanzés. Ah, tu penses qu'ils prédéfinissent. Tu penses? Ouais, ouais, moi je pense que ça l'aide. S'il y avait des magazines qui, ce serait, mettons, Chimps Sweet Tree, puis que là, ils montraient une adolescente chimpanzère à 3 ans, peut-être que là, ça changerait les mœurs des chimpanzés. Oui, en effet, on sait que la chimpanzé femelle atteint sa maturité sexuelle vers les 10 ans. Et encore plus tard chez le mâle. Okay. Ça aussi, ça pourrait être une explication. Ben oui, ben le fait qu'il atteigne la maturité plus tard. Mais bon. Ouais, c'est pas mal ça. Savais-tu que chaque mâle peut, en principe, se reproduire avec n'importe laquelle des femelles qui n'hésitent aucunement à accorder leur faveur jusqu'à une demi-douzaine de partenaires successifs? Ça dure 15 à 20 secondes chacun et ils se présentent à la queue leuleu. Ah ben quoi. C'est peut-être de là que vient l'expression. À la queue leuleu. Wow, ça fait des femelles occupées quand même, hein? Oui, en effet. Ben quoi, 15-20 secondes? Non, ben c'est parce que s'ils en prennent 6 à la fois, faut que tu te dises qu'il y en a 5 autres qui sont pas occupés, qui font rien. Ouais, j'avoue, peut-être. Pas en manger. Si on fait, ouais. C'est fort, ça, c'est de l'intellectualisme. T'as-tu une autre nouvelle pour nous autres, Simon? Des nouvelles connes? Ben oui. Je suis sans... un fuit sans pont. Bon. Un pont sans fuit. Un fuit sans pont. Sans... Ah bon, OK. Ouf, peut-être que le fond est atteint, là. Une organisation néerlandaise veut tenter de fabriquer le plus grand joint au monde avec un papier à cigarette long d'un mètre et demi et 500 grammes de marijuana. Hey, c'est une noble cause. Oui. Alors, le plus grand joint qui était réalisé jusqu'à présent, lui, c'était une centaine de grammes. C'est 5 fois moins de cette drogue on ne peut plus douce. Alors, c'est ça. Le joint ne doit contenir que de la marijuana, pas de tabac. Et puis, quand on l'a roulé, ben, on l'allume. Pouf, c'est ce qu'a déclaré M. Tijs Verhey, qui est l'organisateur néerlandais de cette tentative de battre un record Guinness. Puis là, c'est quoi? Je veux dire, ouais, c'est ça, on n'en sait pas plus. Là, c'est-tu fait? Puis ouais, là-bas, c'est légal, eux autres. Attends, c'est ça. Que c'est légal, mais il y a une limite. Alors, la police néerlandaise a tout de même averti qu'elle interviendrait si la quantité de marijuana dépassait les 5 grammes autorisés pour la consommation personnelle et si elle était commercialisée. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 100 personnes qui viennent amener leur cote maximale, puis là, ils vont pouvoir, puis ça va être légal. Chacun une pomme. Aïe, aïe, ben, c'est pas pareil. Hein? Vive les Néerlandais, eux autres, ils connaissent ça, sapristi. T'as-tu d'autres choses que tu veux raconter, Simon, ou on shoot un autre toune demain? Non, je te laisse y aller. Bon, on va écouter une toune de Anthrax, on va écouter Room for One More, ça passe vite, c'est rock, puis ça va nous faire digérer un petit peu mieux le fait qu'on n'a pas notre invité de la semaine. On a assez hâte, en tout cas. Bon, on vous revient juste après. Room for One More and Tracks. On est à 70%. Nulle part ailleurs. Vive les ninjas. Eux autres connaissent ça. Et bien qu'elle soit à peine âgée de 21 ans, l'actrice Lindsay Lohan, Lindsay Lohan a plusieurs projets pour l'avenir, dont celui de se marier et d'avoir une maison avant ses 30 ans. L'actrice a déclaré au magazine In Style : « Je veux me marier avant 30 ans, avoir ma maison et faire le genre d'album que je veux. Et j'aimerais aussi gagner un Oscar d'ici là. » Ok, à date ça va. Elle ajoute: être propriétaire de ma propre maison me rendra très fier. J'ai besoin d'un endroit que je pourrais appeler mon chez moi et sentir que ça m'appartient. J'adore cuisiner. J'ai le sens pratique. Je suis une personne qui adore tenir son intérieur. Oh, ben, hey. Des affaires, des magazines qui existent avec du monde qui passe, qui achète ça, qui calme. C'est pas elle qui est en désintox. C'est une affaire de même, là. Elle a fait une grosse dépresse, ou j'espère, avec des ambitions de même. C'est ridicule, Chris. Pas de vie. Je veux gagner un Oscar, ouais, c'est ça. Et avoir ma propre maison et m'occuper de mes affaires. Ok, moi, ouais, t'es pas mal particulière. Hein. J'ai aucunement. Tu sais, puis c'est faire le genre d'album que je veux. OK, c'était quoi ta limite là pour ne pas pouvoir faire des albums que tu veux? Ouais, ouais, c'est ça. En quoi les albums qu'elle a déjà faits ne ressemblent pas à ce qu'elle veut? C'est ça. T'as-tu de quoi, tu pour soulager un petit peu? Tu veux que 15 secondes de bûchage, s'il te plaît? 15 secondes de frustration. Ramène-nous, on va être down, s'il te plaît. On va retourner dans le track, ça. On va être down. Plus fort, plus fort. Elle veut un vrai homme, est-ce-tu? Elle veut ça pour vrai, mais elle le mérite. Je veux dire, elle vise les Oscars, elle vise une personnalité, elle vise le top. C'est Lindsay Lohan, elle a moins de 30 ans, fait que je dis, il y a une maison. Moi aussi, je m'appelle Oscar. C'est vraiment vrai. Ouais. C'est Ralph Baer, finalement. Ralph Baer, en 1966, a commencé à développer un standard home television monitor sur lequel il pouvait plugger sa petite gizmo, là, sa petite machine sur laquelle... en fait, qui a été développé plus tard, en 1967. Et puis, en 1968, a été finalement patenté. Là, comment qu'ils disent ça en français? Là, il y a eu les droits, le brevet. Oui. Voilà, le brevet a été déposé. Et voilà, en 1969, Pong paraît le premier jeu vidéo. Le premier vrai, parce qu'il faut pas oublier qu'en 1951, Ferranti avait déjà proposé quelque chose qui ressemblait à ça, mais ouais, en effet. Je sais pas en quoi c'est un jeu vidéo électronique. Là, The computer is based on the Mark One and is dedicated to playing the game NIM. Mais Mark One, c'est comme les NIAC puis ces genres d'ordinateurs-là qui pesaient 7 étages. Ouais, ouais, ça prenait une flotte pour transporter ça. c'est le même format pour que... Pour Shaquille O'Neal, c'est un ordinateur personnel, mais pour le commun des mortels, c'est un macro ordinateur. C'est un très gros cossin. Et puis, ben, sinon, moi, j'aimerais parler un petit peu, peut-être, vite fait, de même, là, de quelque chose qui est sorti en 2006. Quelque chose qui a fait mal en 2006, que finalement, j'ai pu jouer il y a à peu près 2 semaines. Le Wii de Nintendo, as-tu touché à ça, les manettes, toi? Non. Ah, boy, yeah, c'est fantastique, le jeu de boxe. Le fait qu'on ait des manettes qui... Les manettes triangulent leur position vis-à-vis la télévision. Oui. Donc, l'angle change. Tu sais, tu peux les écarter l'une de l'autre et puis, ben, à l'écran, le Link va bouger son bouclier puis son épée dans un autre sens. Donner des coups d'épée juste en brassant la manette et puis, c'est vraiment quelque chose à essayer. Là. Même, je veux dire, à cette heure, avec les iToy, le Dance Dance Revolution, les manettes comme ça, les jeux vidéo font faire du sport aux enfants. C'est malin. Oui, hein, avant, on accusait les jeux vidéo de contribuer à l'embonpoint des jeunes enfants, puis maintenant, ça risque d'être pas mal l'inverse. C'est ça, ça s'en vient le contraire. Moi, je connais un très bon copain qui a perdu beaucoup de poids à jouer Dance Dance Revolution, et puis le lendemain de ma première journée, il a joué au Wii, à jouer à la boxe, à jouer au bowling, à jouer au baseball, et surtout à jouer au dernier Zelda. Ben, j'étais raqué dans les épaules. Ah ouais. Je te jure, Simon Pierre, je te jure, c'était vraiment une très belle aventure. Je le souhaite à tout le monde, d'ailleurs. C'est quelque chose. La nouvelle Wii, ça a été très long à trouver parce que je sais pas trop quelle raison. Hein. Il y en a pas trop dans le monde, là, où il n'y en a pas assez, ou je sais pas quoi. Là. Hey, il s'en passe des affaires, hein, Tommy? Eh, hey, bonne. C'est quoi qu'on fait, là? On écoute une toune? Oui. On va écouter Femme de rêve de Claude Dubois. Oui, puis après ça, je vais vous raconter comment, lors d'un voyage officiel en Russie, le roi d'Espagne a réussi à tuer un ours à la chasse. Ce qui n'est pas peu dire. Bon, ben, c'est parfait, on a hâte d'entendre ça. Après avoir parlé de jeux vidéo pis tout. Voilà Claude Dubois et Femme de rêve. C'est un petit peu pour Racette qui s'est marié en fin de semaine, d'ailleurs. Hein, bravo Racette, Valérie, vous allez nous faire une gang de juniors pis ça va devenir des membres de la gang. Femme de rêve. À nous mettre d'accord sur certains points d'une tenue hautement intellectuelle et morale. Ce commando appelé Tigre Noir, eh bien nous ne savions pas comment les habiller, ni quelle tenue adopter pour qu'ils trucident en toute tranquillité leurs victimes. Après de nombreuses tergiversations et prises de bec, eh bien nous avons décidé d'habiller les Tigres Noirs en noir. Une commission fut payée afin de trouver un styliste, tout à fait anonyme, qui dessinerait les costumes noirs que les tigres noirs devraient avoir lors de leur croisade. Le salaud qui habite ici a plus d'argent que de goût, ou que de cervelle. Puis-je quelque chose pour vous? Oui, allons-y, M. Randall, M. Diamond. Tout le monde sait que M. Diamond ne reçoit jamais à cette heure-ci. Je ne suis pas tout le monde, il me recevra. Mais... Excusez-moi. Monsieur, voyons... Thank you. Et le roi d'Espagne, Sa Majesté Juan Carlos, a tué un ours. Il s'est rendu en Russie. Il a tué un ours apprivoisé qui avait été saoulé à la vodka lors d'une partie de chasse truquée, a indiqué un responsable russe régional. L'ours, qui était surnommé Mitrofan, a été retiré d'un camp de vacances où il servait d'attraction auprès du village de Novlenskoye. Et il a été mis dans une cage et transporté sur les lieux de la chasse royale. Et l'animal, qui était gentil et drôle, selon les dires, a été nourri avec une mixture de vodka et de miel et lâché dans les champs autour de la ville de Vologda, qui est à 500 km environ au nord de Moscou. Au nord? Oui. Hey boy. L'animal ivre a été une cible facile. Monsieur Starostin a évoqué d'autres cas de chasse falsifiés par le responsable de sa région pour des hôtes, enfin des invités, pardon, haut placés, avec comme cible des animaux apprivoisés, notamment des loups et des lynx. En 97, on se rappellera que le premier ministre russe d'alors, Monsieur Viktor Tchermonirdin, avait été critiqué pour une partie de chasse de luxe dans laquelle il avait tué une ours et ses deux oursons à peine sortis de leur hibernation. J'espère qu'ils sont pas allés donner de la vodka aux deux oursons qui venaient de sortir de l'hibernation, là. Il y avait pas l'âge pour. Ouais. Hey, voyons donc, parle-moi d'une niaiserie. Puis c'est quoi, là, le... Je veux dire, je savais même pas que l'Espagne avait un roi non plus. Mais le oui, plus... tout à fait. Encore la Suède, le Danemark, l'Angleterre. Ben oui. Sont encore des pays. Des pays avec un roi monarchie. Qui est là. Pour... Oui, la Belgique, les Pays-Bas. Ah ben, ça prestige. Tout à fait. Hey, t'en sais des affaires, toi! Non, mais c'est quoi le thrill de tuer des bébés de saoul? Lui, il savait pas, il pensait qu'il chassait un ours puis il s'en allait sauver un village. Bien, disons que la maison royale espagnole a démenti en disant que ses affirmations étaient ridicules. C'est ridicule! Les autres, ils connaissent ça, ridicule. La chasse à l'ours. Enfin. Ouais, enfin, enfin. Que dire d'autre? T'as-tu une autre nouvelle pour rajouter là-dessus ou je parle un petit peu de mon douteux de la semaine? Tu peux y aller avec ton douteux de la semaine. Ben, le douteux de la semaine, cette semaine, c'est l'exécuteur de Hong Kong, tel que mentionné précédemment. Mais en fait, c'est les Tigres Noirs. Oui, c'est vrai, pardon. Parce que les Tigres Noirs et l'exécuteur de Hong Kong, ce sont les deux films de Chuck Norris que j'ai réécoutés dernièrement. Et puis, ben voilà, j'ai décidé de recommencer à aimer Chuck Norris, le célèbre barbu, qui fut le premier Nord-Américain à gagner des tournois de karaté sur la scène internationale. C'est pour ça qu'il est beaucoup célèbre et c'est pour ça que... Il est très important, beaucoup plus que vous et moi ensemble. Eh ben, c'est ça, Chuck Norris qui joue ici dans un rôle d'action dans lequel sa famille semi-adoptive, qui tient des espèces de gambling underground pas correct à Hong Kong. Et puis ben là, il y a une espèce de nouveau méchant qui arrive et puis là, il veut amener la drogue. Mais là, le père adoptif juif de Chuck Norris, lui, dit « La drogue, c'est pas bien. Les paris, c'est correct. On s'en tient à ça. » Mais là, le fils, le vrai fils du père adoptif de Chuck Norris, c'est-à-dire l'espèce de demi-frère de Chuck, décide que lui, la drogue, il en a. Fait que là, il pogne des espèces de dettes de jeu par rapport avec le méchant. Bon. Et puis là, tout le monde se fait tuer et ça devient personnel, tel que mentionné un petit peu avant. C'est de la bonne marde, là. C'est moins 6. On se fait prendre pour des caves juste assez avec Chuck Norris qui, parce qu'il a de l'attitude, ne se trompe jamais. Ouais, ok, je vois le modèle. C'est, là, ouais. C'est ça, c'est ça. Chuck Norris, parce qu'il boude puis qu'il a l'air frustré après tout le monde. Oui. Ne se trompe pas. Ou encore, j'ai raison parce que je ne vous laisse pas parler. Ah, c'est pas pire, ça aussi. Aussi celle-là, ouais. C'est pas pire, c'est une bonne variance. Ouais. Hey, puis je pense que là-dessus, je vais faire un lien qui a vraiment, vraiment aucun bon sens vers la doutoune un petit peu vaseuse la semaine que je vais partir tout de suite. C'est quoi? T'as le droit de savoir. C'est un crescendo sans fin, puis une traduction française d'une toune que tout le monde connaît. Je voulais la faire écouter à Monsieur Larose, mais je vais trouver quelque chose d'autre qui va le faire triper d'ici la semaine prochaine. Bon, t'as une bonne émission et tout, parce que là... Tom... En français? Ben oui. C'est l'œil du tigre. Tu t'en vas. C'est de toute beauté. Ben oui, à 70%. All right. Ça. Go Sens! Go Sens! Go Sénateur certain, puis levez les genoux plus haut, là. Bon, on revient à 70%. We'll be right back. Apparemment, il est venu à bout du gang des éboueurs. Apparemment, il est venu à bout du gang des éboueurs. Sayonara, Guignol. Le gang des éboueurs. C'était un des gangs les plus méchants, en fait, qu'il y avait dans La Reine de Feu 2, un vieux classique de Don the Dragon en Bidden pour Ian Nielsen. Wilson. Bon. On se remet de nos émotions. Oui, dis-moi, parlant de film, tu connais Borat? Ben oui. Borat, il vient de où? Ben, il vient du Kazakhstan, c'est ça? C'est bien ça. Et savais-tu qu'il y a des députés kazakhs qui ont adressé une lettre au président Nursultan Nazarbayev pour lui demander d'interdire la mise en circulation des nouveaux billets de Tang, qui est la monnaie nationale? Puis là, il y a un lien entre les billets de Tang et Borat. Ben, c'est parce que c'est des billets de banque kazakh. OK. C'est des députés kazakhs qui ont demandé au président kazakh d'interdire les billets de banque kazakh. Sais-tu pourquoi? Parce que le dessin qu'il y a dessus ressemble à Borat? Non, non, non, c'est écrit dans la lettre. Nous vous appelons à demander à la Banque nationale de ne pas mettre en circulation ces billets qui comportent une erreur en langue kazakh. Ils ont fait une faute d'orthographe dans le mot « banque ». Puis il s'en allait le publier. Hey, ça fait mal, là. Hey, non, hein, c'est pas super, ça. Parce que là, il y a le gars qui dessine le billet, il y a le gars qui l'approuve, il y a le gars qui demande le contrat. Il y a toute cette chaîne-là. Puis je sais pas par quelle espèce de procédé là, népotique qui a fait en sorte que c'est toute une gang d'incompétents qui crée, s'ils s'en sont rendus compte à la dernière minute. Hey, ça a pas de bon sens. Qu'il y avait une faute d'orthographe dans le mot banque. Peut-être que c'est bien compliqué en kazakh, le mot de banque. Moi, je parle pas le kazakh, je peux pas dire. Faut pas penser que j'essaie de justifier non plus. J'essaie juste de me dire que bon, on peut pas être ben oui, c'est ça. En tout cas, c'est pas winner. Man. On s'entend, c'est pas winner. T'en as-tu un autre de même pour nous faire suer ou... T'en veux des marrons? Ben j'aime ça les t'en marrons. T'en veux des marrons? J'en veux Simon des marrons et les auditeurs aussi. OK, faut que je la retrouve, Ben, il croit. Tu penses que je... Ah, pendant ce temps-là, je peux rappeler à tous les auditeurs le fait que moi, j'ai des billets pour The Police le 25 juillet prochain, tandis que vous, vous n'en avez sûrement pas. Là, tu veux-tu que je dise d'autres choses totalement indispensables? Oui, s'il te plaît. OK. On n'oubliera pas, bien sûr, que le Dragon Rouge sert présentement des déjeuners. Et ça, chaque jour de la fin de semaine. Eh bien, merci, Tommy. Bon, alors avant d'aller plus bas, eh bien... j'ai retrouvé la nouvelle épaisse. Oh. Un couple de Boston a mis sur le marché aux États-Unis des poupées qui parlent et citent... Tommy? Oh ouais, je suis là. J'ai un problème avec ma chaise. C'est correct, je t'écoute. C'est correct. Même quand tu te promènes à quatre pattes dans le studio, on t'entend très bien. Okay. Mais tu peux continuer avec le problème avec ta chaise. Okay. Ben, continue à me parler des poupées qui parlent. OK, mais d'après toi, qu'est-ce qu'un couple de Boston peut bien mettre sur le marché là, de nouveau avec des poupées qui parlent, des sites, des affaires? Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh boy, ne pas aller, c'est beaucoup mieux de prier Jésus que d'aller voir des madames qu'on connaît pas se frencher. Alright! Ça cite des versets de la Bible pour inculquer aux enfants un message d'espoir et d'amour. Un message d'espoir et d'amour. En effet, ce sont les poupées saintes, n'est-ce pas? C'est la marque. Et qui ont inspiré, n'est-ce pas, c'est Cliff et Lauren Rockwood qui ont parti ça pour leur petite fille parce qu'ils voulaient qu'elle ait une poupée qui délivre un message d'amour et des leçons morales, n'est-ce pas? Et ils en ont vendu bien plus que ce qu'ils pensaient vendre finalement. Il y a un marché incroyable pour ça. C'est une poupée de chiffon qui fait 30 cm de haut. Et pour l'instant, il y en a 3 dans la collection et elles ressemblent chacune à une à Jésus, l'autre à Moïse et l'autre à la reine Esther. Oh! C'est ça. Alors, Jésus, lui, sort des affaires comme « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Toi, tu es moins que ça. Ouais, il y a aussi... Il y a aussi « Personne ne peut aller vers le Père autrement que par moi. » Ah oh ben, hey, c'est de l'espoir, ça. Mais tu vois, déjà, en sortant des affaires de même, tu te dis que s'il y a du monde qui croit férocement en eux, puis qu'il y en a d'autres qui croient farouchement en d'autres qui disent le même genre d'affaires, ils vont finir par se battre, c'est sûr. Ben là, c'est sûr. Hello, en tout cas. Puis il y a aussi, excuse-moi, Simon, mais il y a une version qui dit que t'as pas le droit d'avoir de fausses effigies, je sais pas, là. Je veux dire, c'est comme une représentation de Jésus que... Oui, on en a parlé la semaine passée. Ouais, Ce sont les étites... Il n'y avait pas de photos sur le permis de conduire. Exactement, ouais, parce qu'ils peuvent pas faire ça. C'est des gens vraiment extrêmement croyants. Là. Pff, en tout cas, on voit déjà l'aspect contradictoire de la chose, n'est-ce pas? Ben oui. Alors bon, Moïse, lui, ce qu'il fait, c'est que la poupée, évidemment, Moïse récite les 10 commandements et la poupée Esther, qui est l'image de la belle orpheline qui a épousé le roi de la Perse et qui protégea le peuple juif, n'est-ce pas, et qui dit Dieu a un dessein pour ma vie, comme il en a un pour toi. Ça, c'est de l'espoir en sapristi, hein? C'est un beau message d'espoir. Exactement. Ça veut dire que tu vas fermer ta gueule, tu vas ouvrir grand, puis c'est ça ta vie. Hein? Ouais, en effet, c'est quelqu'un d'autre qui va décider qu'est-ce que tu vas faire de ta propre vie. C'est pas mal ce que c'est ça malheureux un peu, mais surtout qu'on en a rien qu'une. Mais bon, mis à part celle qui vient après. Là, ouais, l'éternel. Dont on n'a aucune preuve. Mais moi, ça me dérange pas de mourir, puis ça, c'est fini. Entre moi puis toi. Mais bon, il y a d'autres héros de la Bible qui vont agrandir la collection. Qui devrait en fait agrandir la collection. On parle du roi David, on parle de Noé, le patriarche, ainsi que le prophète Jonas, n'est-ce pas? Il va déjà voir Jean le Baptiste avec la tête amovible. Évidemment. Je sais pas ce que le patriarche Noé va dire quand on va appuyer dessus. Jésus. J'ai sauvé un mâle puis une femelle pour qu'après. Ouais, c'est ça. Ça a pas tout le temps été facile de découvrir si c'était un mâle ou une femelle. C'est ça. Ouais. Bon, ben. Non, juste un dernier petit point. Ben oui, vas-y. Il est à noter que ces poupées sont fabriquées en Chine par des gens qui font à peu près 40 cents de l'heure. Oh, ben, c'est un beau aussi. Ah, ouais. Adieu, un dessin pour eux aussi, hein. Ouais, c'est ça. Hey, ça, c'est un beau. On était à ça d'un comic de la semaine avec ça. Ouais, sinon, en effet, hein, j'en ai pu partir ma toune pis tout, là. En effet, ouais, tout à fait. Bon, ben, pour la dernière de la semaine, on va écouter Time of the Season des Zombies, un album qui a pas mal révolutionné le temps que c'est sorti, c'est-à-dire ça fait déjà une quarantaine d'années. On vous revient pour le petit mot de la fin et puis notre pensée de la semaine, hein? À 70%. Oui, it's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy. And let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone it's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. We'll be right back. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Here is he rich like me? Has he taken? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you. Parfaite, par la porte d'en avant. On n'est plus qu'à un seul coup du moment de vérité. Oh, que c'est compliqué ça, monsieur. Voilà ce qu'il voulait. Voilà ce qu'il voulait. Ça commence à faire des bidous, ça, monsieur. Oh! Hey! Incroyable! Est-ce qu'on est rendu au moment de la pensée de la semaine? Oui, Simon, oui. Tommy. Oui, Simon. Si t'as une grosse salle à manger, là. Oui, Simon. Ferme les yeux. Ok, je ferme les yeux, je la vois, ma salle à manger est grosse. Une grosse salle à manger. Ferme les... Ah! Ah! Ah! C'était la pensée de la semaine! Oui, c'est ce que le texte qu'on m'a remis de lire, sinon je l'aurais pas fait, vous savez bien. Ben oui, c'est sûr! Et bien sûr, il y a le gros barbu qui te tient les bras dans le dos et qui te fait la clé de bras qui te poussait à le lire. Oui. À la demande générale. On vient d'écouter 70%, on est passé au travail. T'as-tu d'autres choses que tu veux raconter, Simon? Quelque chose que tu veux dire? Bon, à part que Jessica Simpson se promène sur Internet pour trouver l'âme sœur, est allée dans des chatrooms. Ben, tu nous avais déjà raconté ça. Moi, c'est ça, puis elle s'est faite... niaiser par un gars, là. Un gros tata, ouais. Ouais, ouais. Hey, yeah, c'est la première fille qui se fait niaiser par un gars sur Internet et vice-versa. Ouais. Colin, hein, vous voyez, ce n'est pas safe à 100%. Un gros sale à manger. Un gros sale à manger, voilà. C'est un gros salon. Ah, ouais, mais pour moi, lui, il pognerait, je sais pas. Je vais pas faire de l'humour facile premier niveau. Encore une fois, bravo à Sylvain Rassette et Valérie Pinchot qui se sont mariés en fin de semaine. Beau party dans les Laurentides. Ça a fait du bien de sortir de l'île. C'est la première fois depuis mes vacances de Noël, je pense. Là, on va aller écouter American Ninja 2. On va aller écouter XR. On va aller écouter Le Vagabond. Et puis, ben, on va vous revenir la semaine prochaine avec Gérard Larose, barbu en chef et sagesse incarnée. Je pense que mon papa va l'aimer, cette émission-là, parce que mon papa, il est plutôt syndicaliste ces temps-ci. Mais c'est sûr, s'il fait 35$ de l'heure à passer le balai là, dans le Grand Nord. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà. On s'en reparle en avant d'une bière. Pour l'instant, vous allez écouter Normand Pinard qui nous parle des supramentales. C'est pas le gars qui a le plus d'éducation que j'ai vu non plus. C'est pas vrai. Ah, pas besoin d'avoir des diplômes pour être grand. On y va, on fonce. Salut! C'est vrai, hein? Monsieur Normand Pinard, juste avant, on va d'abord vous présenter. Il y a des gens d'Europe là, qui vous écoutent peut-être pour la première fois. Vous avez une longue expérience dans la communication qu'on appelle du supramental. J'ai une longue expérience dans la communication de ce qui s'appelle Normand Pinard. Parce que le supramental, c'est pas quelque chose que tu décides à un moment donné dans ta vie. C'est le supramental que tu viens au monde avec. Et tu es extrêmement différent, puis tu sais pas pourquoi. C'est une sensibilité qui est différente. À un moment donné, il y a des mots qui peuvent se placer là-dessus qu'on peut appeler supramental. Comme d'autres peuvent appeler ça d'autres mots. C'est la raison pour laquelle les mots, moi, pour moi, c'est toujours des M-A-U-X. Je suis ce que je suis, là. Je suis peut-être Popeye, le vrai marin, je ne sais pas qui mange les épidores, mais ce que je peux dire, c'est qu'à ma naissance, déjà là, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et il y a probablement... Fille, hein? Réveille-toi. Là? Réveille-toi, il y a des rayons laser. Quoi? Des rayons laser. Mais oui, on n'en sait pas. C'est parce que c'est sur les hautes. Qui ça? De quoi? Sur les hautes. OK. Sur les hautes. Bon lundi tout le monde et bon retour à Sur les Hautes sur les ondes de Choc FM, l'alternative urbaine, Lisette Laganière et Kim Saint-Pierre qui sont très très très très très contentes d'être de retour avec vous après une absence beaucoup trop longue qui nous a brisé le cœur et le vôtre sans doute, n'est-ce pas Kim? Ah, pas le mien. Moi, mon cœur, il est pas brisé. Il est gonflé d'amour. Gonflé.